Mémoire de Gaston Phoebus, d'Alfred Assolan. Chapitre 1er. À monsieur le commissaire de police du faubourg Montmartre. Qu'on n'accuse personne de ma mort. Je vais me brûler la cervelle. Je prie monsieur le commissaire de vouloir bien remettre à monsieur Louis Verret, rue Pigalle, 12, le paquet 6 juin, qui ne contient ni billets de banque, ni valeur d'aucune espèce, mais seulement le détail des raisons qui m'obligent à passer dans un monde meilleur. Mes créanciers, que je regrette bien vivement de ne pouvoir satisfaire, sont priés de bien vouloir agréer mes très humbles excuses et de croire que je n'aurais pas cherché dans la mort un asile contre les huissiers si j'avais entrevu, soit dans le présent, soit dans l'avenir, quelques moyens de payer mes dettes. Quant à mes amis, je les vois d'ici s'adosser à la cheminée, s'appuyer commodément sur un coude en souriante dame, et pour donner plus d'intérêt à mon histoire, raconter que je suis mort d'amour comme Léopold Robert ou Raphaël Sanzio. Car les dames ont un faible pour les histoires d'amour, comme les Allemands pour la bière, les Anglais pour le gin et les Américains pour le whisky. Mais de quoi vais-je m'occuper? Agréez, monsieur le commissaire, toutes mes excuses pour le dérangement dont je vais être cause et recevez l'assurance de ma considération la plus distinguée. À monsieur Louis Verret, poète lyrique, rue Pigalle, 12. Tout est fini, mon cher Verret, et je vais visiter les sphères éternelles. Ai-je tort ou raison, je le saurai avant 2 jours. En tout cas, vous devez penser que je ne me suis pas décidé sans motif. Le commissaire, en lisant ma lettre, croira sans doute que je me suis brûlé la cervelle par désespoir de ne pas pouvoir payer mes dettes, et plus d'un créancier donnera des larmes à ma mémoire. C'est une grande erreur. Je n'ai pas un culte si profond, soit pour l'argent du prochain, soit pour le mien propre. Ce qui me tue, ce n'est pas la pauvreté, quoique, grâce au ciel, elle m'ait tenu depuis ma naissance fidèle compagnie. Non, c'est quelque chose de plus dur et dont on se console moins. Croiriez-vous que depuis 27 ans, ou environ, que je vois la lumière du jour, si chère à tous les hommes, il ne m'est pas arrivé une seule fois de rencontrer un des bons lots de la vie. Ainsi, je n'ai ni argent, ni profession, ni femme, ni maîtresse, ni personne qui s'intéresse à moi. Vous-même, mon cher Verret, quelque affection que vous m'ayez montrée depuis 6 mois, vous avez tant d'autres liens de famille et d'amitié qu'à peine puis-je compter que j'occupe quelque place dans votre cœur. Mon portier même, que je croyais avoir gagné par des avances, qu'on aurait honte de faire un duc et pair. Oui, mon portier me tourne le dos. Hier encore, en passant devant sa loge, j'ai entendu cet honnête homme grommeler quelque chose contre les gens qui finirent mal et qui rentrent chez eux à 1 heure du matin, qui mènent une vie de débauche et qui n'ont jamais donné la pièce à personne. Dieu sait que j'avais plus grand besoin que lui, qu'on me donnait la pièce. Car mon paletot montre la corde, mon pantalon est fendu au genou droit, mon gilet n'a plus qu'un bouton, et de mes 2 chemises qui sont en lambeaux, il reste juste assez pour faire 2 mouchoirs, non sans trous. Je vis, cependant. Je résous tous les jours ce problème redoutable, dont les habitants de Paris et de Londres connaissent seuls toute la difficulté. Et non seulement je vis, mais j'ai du superflu. Que font là ces 2 fauteuils usés et ces 2 chaises de paille dont ma chambre est encombrée? Une seule chaise suffirait, et même, à la rigueur, un banc. Tout le reste est pure mollesse, car enfin l'on ne peut pas s'asseoir en 2 endroits en même temps. Ma table de travail est en acajou plaqué, et si peu solide qu'elle ne trouvera pas un acquéreur s'il plaisait au propriétaire de la vendre aux enchères. Quant au lit, l'unique matelas dont il se compose doit avoir été gardé 2 ou 3 siècles avant la prise de la Bastille. Cependant, quand je pense au roi de Dahomey qui peut faire égorger, décapiter, disséquer et mettre au four chaque année 3 ou 4 000 nègres, et qui n'a pas, ce grand roi, d'autre chevet que l'herbe des prairies, je reconnais que mon matelas est un objet de luxe. Ma seule excuse est que j'habite un hôtel garni, et que ces meubles, y compris une vieille gravure qui représente Napoléon à Sainte-Hélène, vêtue d'un costume de planteur, appartiennent à mon propriétaire. Étant né poète, car vous l'êtes, mon cher Verret, quoique votre nom ne soit pas encore illustre, vous savez par expérience qu'il est des familles et des poches où jamais l'argent n'a pu vivre. Si quelquefois il en a forcé l'entrée, mystère insondable de la divine providence, Or, ma famille était de ces familles, et ma poche est de ces poches. Mon grand-père était un bon conseiller du Parlement de Bordeaux, qui aima le jeu, la bonne chère et les dames. Comme il avait d'ailleurs beaucoup d'esprit et de courage, étant gascon et d'un temps où chacun se croyait obligé de faire preuve tous les jours de l'un et de l'autre, il fut fort estimé de ses concitoyens et dépensa d'une manière tout à fait noble 500 000 ou 600 000 livres que son propre père avait gagnées dans le commerce des nègres. « Un vice, dit le vieux Franklin, coûte aussi cher à nourrir que 2 enfants. » À ce compte, mon grand-père nourrissait une nombreuse famille, outre mon père, qui fut son unique enfant, suivant les règles ordinaires de la nature. Ainsi, la révolution de 1789, qui ruina tant de gens, ne fit aucun mal à cet aimable vieillard. Depuis longtemps, il n'avait plus rien à perdre, et j'ai même entendu dire, par des gens qu'il avait connus, que s'il avait reçu de ses créanciers une pension égale au revenu de la moitié de ses dettes, il aurait pu mener grand train et faire envie à de fort grands seigneurs. Mon père, moins heureux, trouva place nette, et n'ayant pas de quoi faire des dettes, fut mis à l'école militaire de Fontainebleau en 1808. Le maréchal Ney le prit pour aide de camp et le mena en Espagne, à Moscou, à la Bérézina, à Lutzen, à Bautzen, dans la campagne de France et jusqu'à Waterloo. Comme il était robuste et bien constitué, le froid, le chaud, la pluie, 2 balles dans la poitrine et 3 coups de sabre, ne purent en venir à bout ni l'empêcher d'être fait capitaine. Malheureusement, après 1815, quand le temps des avocats et des banquiers fut venu, le capitaine, plus ferré sur l'équitation que sur l'orthographe, et n'ayant pas un maravédi en poche, quitta le service avec une pension de 600 francs et le surnom de brigand de la Loire, qu'il portait du reste aussi fièrement qu'autrefois ses épaulettes. Mais que faire à 26 ans, quand on ne connaît que le maniement du cheval et du sabre, et qu'on est à la retraite? 600 francs, qui en vaudraient aujourd'hui le double, donnaient à peine le vivre et le couvert à ce pauvre héros, subitement arrêté dans sa carrière. Il se lia d'amitié avec d'autres héros, réduits comme lui-même à la demi-solde, fut membre de 3 ou 4 sociétés secrètes, et allait être fusillé lorsqu'un ami, qui s'était rallié au gouvernement des Bourbons, obtint sa grâce et le fit passer en Hollande, d'où l'exilé s'embarqua pour la Perse et se mit au service de l'un des successeurs de Tamas Kouli Khan. Il enseigna la charge en 12 temps au fantassin du Shah, il devint grand seigneur au pied des monts Elbrouz et fit pendre 200 de voleurs subalternes qu'il vêla l'impôt sur les grands chemins de la Médie à Tropatène. Il épousa une grecque de Smyrne, dont le père était bijoutier de la cour de Téhéran, et fut tenté de fonder une dynastie dans le royaume de Kandabar et de conquérir l'Inde à la façon d'Alexandre. Le Shah, pour plaire aux Anglais, voulut le faire assassiner. Il prit la fuite, ayant en croupe derrière lui sa femme, et ne s'arrêta qu'à Smyrne. Les diamants qu'elle avait eu soin d'emporter et qui valaient plus d'un million, lui servirent à entreprendre 5 ou 6 commerces dont le meilleur ne valait rien. Il mena grand train jusqu'en 1830, où la révolution de juillet acheva sa ruine et lui permit en même temps de reprendre son ancien grade dans l'armée française. Il fut tué, chef de bataillon, à Constantine, et laissa pour tout héritage à sa veuve une pension modique et à ses 2 enfants, un fils et une fille, le souvenir de son courage. Mais pourquoi vous contez l'histoire en détail? Peut-être trouvez-vous déjà, mon cher ami, que mon récit vous traîne en longueur. À cela, je répondrai qu'il est 5 heures du soir, que je n'attends personne, que je ne crains pas de me voir dérangé, et qu'enfin je ne veux pas me brûler la cervelle avant 24 heures. C'est un point résolu. Je ne suis pas un fou qui cherche à s'étourdir sur une situation désespérée, mais un homme sérieux et circonspect qui se rend compte à lui-même de toutes ses pensées. Mon âme est tranquille, mon pouls est calme, ma tête est froide. J'ai déjeuné d'un petit pain et de l'eau de ma carafe et je ne dînerai pas. Est-ce là, oui ou non, l'état d'un philosophe qui a droit de disposer de lui-même et, en attendant la dernière heure, d'expliquer à un ami les motifs de sa conduite? Si j'ai parlé de mon père avant de parler de moi, c'est que le chêne sort du gland et que le gland est sorti d'un autre chêne et que toutes les facultés essentielles du premier chêne se retrouvent toujours dans le second, qui les transmet au troisième et par lui à tous ses descendants et qu'à ce compte-là, mon père, ma mère, mon grand-père et tous ceux de ma race ont toujours été dans une incapacité incurable soit d'amasser de l'argent, soit de garder l'argent qu'on avait amassé pour eux. Au reste, prenez patience, mon tour va venir. Ma mère, l'une des meilleures femmes de ce siècle, était peut-être encore moins propre à thésauriser que tout le reste de ma famille. Outre les dépenses ordinaires du ménage, elle avait mis le moyen de se débarrasser d'une pièce de 20 francs. Son industrie, dans ces occasions-là, était incroyable. Les chiffons, les livres, les jouets d'enfants, les statuettes, les casseroles, la vieille et la nouvelle musique remplissaient la maison d'un désordre complet, mais charmant, car elle avait l'esprit et le goût de tous les vrais artistes. Musicienne vraiment admirable, elle aurait étonné les Parisiens si mon père lui avait permis de chanter en public. Mais, au milieu même de la plus profonde misère dont il toucha bien souvent le fond, mon père l'aimait trop passionnément pour lui permettre d'entrer à l'opéra. Blâme qui voudra cette fierté d'un homme qui ne dînait pas tous les jours. Pour moi, je l'honore et l'approuve. Il est vrai qu'en aucun temps, il ne lui fit la moindre observation sur ses prodigalités, et dans cette famille où l'argent manquait toujours, la pauvreté la plus dure ne fut jamais une occasion de discorde. Rare exemple. Par quel prodige d'industrie parvint-elle à élever 2 enfants? C'est ce qu'il est presque impossible de comprendre. J'obtins, grâce au nom de mon père, une bourse dans un collège de Paris. Ma sœur fut employée chez un marchand de chocolat du boulevard. Ma mère elle-même engagea sa pension d'avance et fit quelques dettes. Par bonheur, nous étions tous sains de corps et d'esprit. C'est une grâce que la Providence, moins aveugle qu'on ne croit, fait quelquefois aux pauvres gens. Comme je n'avais aucun héritage à espérer, je fis tout naturellement les plus brillantes études. Pour prendre le goût des livres, il n'est rien de tel que de n'avoir pas un sou vaillant. Mes professeurs étaient aussi fiers de moi que si j'avais dû gouverner les peuples comme Périclès ou enseigner la sagesse aux hommes comme le divin Platon. Mes camarades s'approchaient de moi avec respect et m'écoutaient comme un oracle. Ma mère, plus fière de moi que Niobé ne le fut jamais de ses fils et de ses filles, me regardait avec admiration et me promettait le plus brillant avenir. Mais avant tout, il fallait vivre, et le jour où je mis pour la dernière fois le pied hors du collège, je commençais à sentir les dures étreintes de la faim. C'était, je m'en souviens encore, le 10 août 1846. Il faisait faim ce jour-là, une faim de loup. J'étais parti de grand matin, en portant du collège mon mince bagage, et j'attendais avec une impatience mal dissimulée l'heure du dîner. Vers 10 heures du soir, ma mère s'en aperçut, et d'un air riant, « Pauvre chère créature, elle aurait souri à la mort même. « Eh bien, dit-elle, Gaston Phoebus, qu'attends-tu pour te coucher ?»« J'attends, répondis-je avec inquiétude, que tu m'aies offert à dîner. »« Mon ami, répliqua-t-elle, je te dirai, comme l'aubergiste d'Alcala de Henares, Seigneur, vous auriez à dîner ce que vous avez apporté. » Ce qui fera mieux comprendre le mérite et la gaieté de cette réponse, c'est qu'elle avait le jour même, et sous mes yeux, donné à une vieille femme malade qui habitait l'étage supérieur de la maison 3 francs qui lui restaient encore. Telle était la générosité de ma mère. Le lendemain était le jour de la distribution des prix du concours général. Un prix d'honneur qui m'était décerné s'en alla de la Sorbonne chez le libraire, qui m'en offrit 40 francs. C'était une magnifique édition des œuvres de Sénèque le philosophe. Jugez de mon bonheur. Ma mère alla chercher ma sœur, qui tenait les livres du marchand de chocolat, et nous dînâmes gaiement en famille. Ces fêtes-là sont rares dans ma vie, mais j'en garde fidèlement le souvenir. Ma sœur était la joie et la grâce même. Jolie, svelte et bien faite, d'un caractère doux et charmant, elle avait l'esprit insouciant de ma mère, avec ce penchant à la moquerie qui distingue les vrais enfants de Paris. Hélas, pauvre sœur, blanche comme un lys, avec des cheveux noirs et des yeux bleus, profonds comme la mer, des mains admirablement modelées, où la blancheur du marbre s'unissait à la transparence et à la vie, elle ressemblait par sa beauté fragile et brillante aux papillons qu'une saison voit naître et mourir. Ce soir-là, pourtant, nous étions tout à la joie et nous n'attendions rien que d'heureux. Un de nos amis, musicien allemand, qui jouait du cor à l'opéra et qui vivait dans la même maison que nous, était du dîner. C'était une de ces âmes tendres et exquises, mais un peu molles, qui résistent difficilement au malheur. Sans adresse pour se garantir des chocs du monde extérieur, il recevait en silence tous les coups du destin et se renfermait de plus en plus en lui-même. Quoiqu'il eût beaucoup d'esprit et de science musicale, et qu'il fût estimé de ses confrères, il n'avait jamais pu se faire connaître du public. La seule idée de se produire dans une assemblée et de donner un concert lui causait des tremblements nerveux. Cette timidité maladive lui rendait insupportable la moindre raillerie, et le réduisait à un silence d'anachorète qu'il ne rompait guère qu'avec nous. Mais alors son esprit, jusque-là replié sur lui-même, déployait tout à coup ses ailes et prenait son essor vers des régions où nous avions peine à le suivre. Sa passion pour la musique, qui n'était pas pour lui un métier mais le plus sublime de tous les arts, l'avait lié avec nous d'une étroite amitié. Ma mère commençait à soupçonner qu'un sentiment plus passionné se mêlait à cette amitié. Au moins avait-elle remarqué que rien n'aurait pu décider le pauvre Caius Schweitzer à quitter notre humble logis les jours, et cela arrivait deux fois par mois où ma sœur Henriette venait passer la soirée avec nous. Et pourquoi non? De toutes les bonnes choses de la vie, l'amour n'est-il pas la meilleure et la moins chère, et la seule qu'aucun gouvernement ne puisse taxer ou interdire aux pauvres gens? Au reste, quoique Caius fût jeune et même assez beau, sa timidité connue ne laissait pas craindre à ma mère que ses innocentes amours eussent le moindre danger. Le dîner fut donc très gai, quoiqu'on n'y vît rien de rare ou de coûteux, si ce n'est une bouteille de vin de Frontignan que le prodigue Schweitzer avait obtenu la permission d'acheter chez l'épicier au prix de 2,25 francs, verre compris. Ce vin délicieux était d'une rareté estimable, car on peut, sans lui faire injure, attester que l'épicier n'avait pas suivi le précepte de la cuisinière bourgeoise. Pour faire un civet, prenez un lièvre, et que pas un raisin du département de l'Hérault n'était entré dans sa composition. Tel qu'il était, néanmoins, il suffit pour nous mettre en joie et délier la langue de Caius. Après qu'il eut longtemps parlé de Haydn, de Mozart et de Weber, qui étaient ses dieux, « Caius, interrompit ma mère, où donc avez-vous étudié la musique? On dirait que vous ne connaissez ni la France ni l'Italie, pas un mot de Rossini, de Cimarosa ou de Bellini. Vous êtes un vrai sauvage échappé de la forêt noire, mon cher Caius. » Hélas, répliqua Schweitzer, plût à Dieu, madame, que je fusse né comme vous au pays du soleil. Mais de quelle couleur peuvent être les rêves d'un Poméranien qui vit 8 mois de l'année au milieu des brouillards? Quand la neige ou la pluie nous tient enfermés dans nos maisons, nous croyons entendre le cor résonner au loin dans la forêt. Nous rêvons des vieux châteaux abandonnés, des vieux héros disparus, de Witikind et de Frédéric Barberousse, du grincement des épées qui heurtent les antiques armures. Nous voyons les fées glisser sur la bruyère et les pâles ondines entraîner au fond des eaux les beaux chevaliers à la barbe d'or. Voilà ce que chante à mes oreilles la musique de mon pays. Mais que pourrais-je comprendre à cette gaieté folle qu'on sent dans les opéras de Rossini et de presque tous ceux qui sont nés dans la joyeuse Italie? Caius, dis-je à mon tour, ton âme sombre et ton air mélancolique m'intéressent. Dis-nous quelque chose de ton histoire, car depuis 3 ans que tu es notre voisin et notre ami, à peine savons-nous si tu viens de Danemark ou d'Abyssinie. Oublie pour un instant le farouche Odin et les blanches Valkyries et dis-nous qui tu es. Justement, il reste encore un peu de Frontignan dans la bouteille. Si tu parles, ce sera ta récompense. Schweitzer mit sa main sur son front, enfonça ses doigts dans son épaisse chevelure blonde, toute ruisselante de génie méconnu, tendit son verre de la main gauche et dit « Que pourrais-je vous raconter? Je suis né en Prusse, comme tous les Allemands, dans le village de Schwarzbourg, près de Stettin, le premier pays du monde pour fumer les oies et les jambons. Mon père, qui n'était pas plus grand seigneur que moi, mais qui avait quelques notions de musique, m'enseigna lui-même la flûte, le piano, le violon, le cor et le violoncelle. Puis il m'envoya étudier à l'université, car vous savez que tout le monde, ou peu s'en faut, est docteur in utroque iure en Allemagne. Mais le destin en décida autrement. Pendant que je pâlissais sur la métaphysique d'Hegel et de Schopenhauer, mon père, qui était juge du district, mourut. Et comme je n'avais d'autre ressource que mon traitement, je fus forcé, pour vivre, de m'enrôler dans l'armée. Un mois après, pendant que j'étais à l'exercice, rêvant à l'origine des choses, mon moi, préoccupé, se heurta rudement contre un nom moins brutal qui n'était autre que la canne du sergent instructeur. Ce brave guerrier ayant commandé « Charge en 4 temps, chargez vos armes, prenez la capsule, amorcez, couvrez la capsule, saisissez l'arme à la poignée. » Je saisis mal à propos mon fusil, comme si j'avais voulu faire le mouvement de l'escrime à la baïonnette. Mais la canne du sergent instructeur, tombant d'aplomb sur mes épaules, me rappela promptement mon devoir. Je ne fus guère moins prompt à quitter un uniforme pour lequel je n'étais pas né. La nuit suivante, m'étant procuré des habits bourgeois, je fus assez heureux pour gagner sans encombre la frontière française, et dès ce jour je devins un Prussien libéré, comme dit Henri Heine. Si déserter est un crime, il faut que la Providence ait eu pour moi beaucoup d'indulgence, car non seulement je n'ai jamais eu à subir la justice des hommes, c'est-à-dire la terrible canne du sergent, mais encore ma désertion ne m'a jamais donné le moindre remords. Bien plus, c'est à elle que je dois de vous avoir connue, et de boire ces dernières gouttes de Frontignan entre vous, madame, Gaston Phoebus et mademoiselle Henriette. » Ici, le bon Schweitzer glissa du côté de ma sœur un timide regard qui ne fut pas trop mal accueilli, si j'en crois mes souvenirs. Pauvre Schweitzer, si bon et si doux. Comment ma mère devina sa passion pour Henriette? Comment elle vit qu'il était aimé? Comment elle n'eut pas la force de s'opposer à leur bonheur? Comment ils se marièrent sans songer qu'ils ne possédaient rien au monde, et comment ils furent bientôt punis de cette témérité, je pourrais vous le dire, mais à quoi bon? Si leur bonheur fut court, au moins était-ce vraiment du bonheur. La robe d'Henriette était de coton, mais son cœur était d'or, et le pauvre Caius, lorsqu'il rentrait au logis, fatigué de courir le cachet et de donner du corps, pouvait reposer sa tête sur un sein ami. Combien de gens sont traînés dans un chariot à quatre chevaux qui ne pourraient pas en dire autant? Ah, si j'avais eu moi-même un bonheur pareil, je ne serais pas aujourd'hui à vous raconter mon histoire et à compter les heures qui me séparent de l'éternité. Et cependant, moi aussi j'ai dû l'avoir, mais à quoi bon se souvenir? Oui, j'ai aimé moi aussi, et j'ai été aimé, peut-être, car qui peut savoir si elle mentait ou si elle disait vrai ?